Chapitre 19e, la morte. Le lendemain, M. Le Noël et Armand se rencontrèrent à l'aube, cherchant tous deux l'air matinal à une fenêtre, c'est-à-dire à une trouée. « Mon cher enfant, dit-il à Armand, je vous proposerai un jour peut-être un moyen de fuite, si le vôtre ne réussit pas, ce qui peut arriver. Car vous vous trompez peut-être, la comtesse ne vous aime peut-être pas. Vous verrez, fit Armand. Mais comment compteriez-vous nous sauver? Nous nageons bien, dit Monsieur de Noël. Nous ne munirions de liège, du reste, pour nous soutenir sur l'eau. Les dames Jeanne, nombreuses ici, sont couvertes de larges bouchons dont nous ferions des flotteurs. Une nuit, nous nous lèverions et nous fuirions. Le moyen est risqué, dit Armand. Il faudrait rester 10 heures en mer, peut-être, avant d'être recueilli, ou de toucher la terre sur un point qui ne serait pas surveillé par les bandits. « Venez-vous avec moi ?» demanda M. Le Noël. « Où allez-vous »« Relevez les palangres que j'ai tendues hier soir. Je dois avoir fait belle pêche. »« Non, je vous laisse, » dit Armand. Et il s'assit en regardant la mer. Il était là, rêvant depuis une demi-heure, quand une voix lui dit « Prenez-vous cette tasse de lait, seigneur ?» Il se retourna. C'était la comtesse qui était derrière lui. « Bianca, ma chère, » dit Armand, « merci. Voilà une attention délicate. » Comment la reconnaîtrais-je? En m'aidant à parfaire ma dot, signor. Alors tes politesses sont intéressées. Elle fit mine de rougir. Voulez-vous vous asseoir un instant près de moi et causer? Demanda Armand. Oui, signor, fit-elle. Elle s'assit le plus près possible en femme amoureuse qu'elle était. Armand n'avait qu'un but, obtenir des explications. Dites-moi, n'attendez-vous pas ici une dame, l'alliée de Fulminante? Elle tressaillit. Une dame? Fit-elle. Oui, une grande dame. Je n'ai entendu parler de rien, fit-elle. Est-ce que vous la connaissez, cette dame? Oui, trop. Pourquoi trop? Elle m'a voulu tuer plusieurs fois. C'est une femme qui vous aime. Non, elle voulait me faire assassiner pour hériter seule d'une fortune immense. Êtes-vous sûr qu'elle ne vous aimait pas? Oh, dit Armand, si l'amour était le mobile de ses crimes, je lui pardonnerais. Armand disait cela pour que ce fût répété au cas où la comtesse viendrait. Si cette dame arrive, je lui dirai cela. Gardez-vous-en bien. Qui sait, vous pouvez vous être trompé. Elle vous aime peut-être, et si vous l'aimiez, elle vous ferait remettre en liberté. Moi, dit Armand, je ne veux pas être son amant, et je reste fidèle à ma fiancée. Y a-t-il longtemps que vous attendez l'heure de votre mariage? Il y a 6 mois. Bianca, ou plutôt la comtesse, se mit à rire. Qu'avez-vous? Demanda Armand. C'est que je ne crois pas possible qu'un garçon de votre âge et de votre vigueur reste sage pendant 6 mois. Vous ne me le ferez pas croire. Armand se mit à rire aussi. Vous avouez, fit-elle. J'avoue que je me regarderai comme faussant mes serments, si j'aimais la comtesse, car avec elle, ce serait sérieux, et je trahirais ma fiancée. Mais quant aux amourettes de passage et de circonstances, c'est un besoin comme de boire et de manger. Je ne suis pas un anachorète. Au moins vous êtes franc, vous. C'est ma meilleure qualité. Pourquoi avez-vous dit, avec la comtesse, ce serait sérieux? Vous sentez-vous donc pour elle un penchant? Un penchant très vif pour l'étrangler, dit Armand en riant. Toutefois, elle est si belle que si une fois je lui pardonnais, la haine deviendrait une passion. Si la dame vient, je lui conte tout cela. Elle vous prend en vive amitié, jamais, jamais. Puis, à un air léger comme un homme qui craint de s'aventurer, et voit l'un désir sous l'apparence d'une plaisanterie. Est-ce que vous croyez plus à la possibilité pour une Italienne de votre âge de se passer d'amour plus qu'un Français du mien? Seigneur, fit Bianca, j'ai bien le droit de vous dire cela après ce que vous m'avez fait avouer. Un peu de franchise à votre tour. Et si un prisonnier que vous trouveriez beau garçon vous disait « Je m'ennuie, je ne parle pas de l'épouser, mais je te donnerai des preuves de ma reconnaissance si tu veux te désennuyer avec moi. » Que répondrez-vous? Je dirai à ce prisonnier, si je l'aimais, je lui dirai « Consolez-moi et consolez-vous. Nous sommes captifs tous deux, profitons des heures de jeunesse, et je refuserai son or. » Armand était dans une situation fausse. Il n'avait voulu en aucune façon obtenir un aveu de cette jeune femme, mais la conversation avait pris un tour singulier. Il se trouvait que Bianca montrait trop clairement que le prisonnier ne lui était pas indifférent. « C'est charmant ce que vous venez de dire là, ma chère signorita. » s'écria Armand. « Qu'ai-je dit ?»« Que vous m'aimiez un peu. »« Et la signora Fernande ?»« Fernande, » dit douloureusement Armand, « je l'aimerai toujours. »« Vous avez raison, Bianca. Merci. » Il tendit la main à la jeune fille, se leva et dit « Je vais voir si Monsieur le Noël a pris du poisson. » Il laissa la comtesse confuse de la sottise qu'elle avait faite. La comtesse se trouva nez à nez avec Ascario, quand, après avoir suivi les yeux Armand, elle l'eut perdu de vue, cherchant Monsieur le Noël à travers les rocs. « Hé !» fit le vieux patriarche. « Des larmes ? Qu'avez-vous donc ? Je suis une sotte ? » dit-elle. « J'en doute, » fit le galant vieillard. « Qu'y a-t-il ? J'ai jeté le nom de sa fiancée à ce garçon au moment où il allait me dire « je t'aime ». Voilà bien les femmes. C'est qu'aussi... Oh, fit Cascario, je connais le refrain. On veut son amant surtout parce qu'il est à une autre. On veut triompher de l'autre. Diavolo, soyons raisonnables. C'est une faute, dit-elle. Oui, vous avez raison, qu'il m'aime, n'importe comment, mais qu'il m'aime. À la bonne heure, dit Cascario. Eh bien, je sais ce qu'il faut faire. Quoi, vous pourriez ? Je peux vous le jeter cette nuit à vos pieds, ivre d'amour. « Faites cela, Cascario, faites cela, et je vous assure que je vous serai reconnaissante. Ne me demandez pas, par exemple, que cela dure. Le lendemain matin sera froid. Qu'importe. Voilà une bonne parole, » fit le vieux bandit. « D'autant plus qu'on peut recommencer. Chaque nuit, ce sera peut-être beaucoup dire. Mais enfin, de quoi s'agit-il ? Chut, il revient. » En effet, Armand revenait portant sur son dos la pêche de Monsieur le Noël. Celui-ci triomphait. Jamais Ramège, son professeur, n'avait fait si belle capture, ni si délicate, ni si abondante. « Oh !» s'écria Cascario, « mes compliments. Mon maître, vous avez réussi. N'est-ce pas ? S'écria M. Le Noël avec un naïf orgueil. « N'est-ce pas que c'est réussi ?»« Ce cuistre de Ramège, dit Cascario, se vantait d'être le premier pêcheur de palandre de la Méditerranée, et ce n'est qu'un cancre auprès de vous. »« Je ne suis pas du littoral de la Méditerranée. » dit Monsieur le Noël fièrement. « Je suis parisien. Le poisson de Seine, très pêché, est le plus fin, le plus défiant du monde. Il faut, pour le prendre, une ruse extraordinaire et des engins d'une finesse extrême. Je me suis servi de mes lignes de fond et j'ai complètement réussi. « Quel poisson délicat !» s'exclamait Cascario. « De ceux qu'on ne prend jamais, si j'osais. « Osez, capitaine. Je suis gourmand de ces mets et je vous demanderai de m'inviter à votre dîner. Acceptez, capitaine. Seigneur, vous m'honorez plus que je ne saurais dire, et je vous sais gré de nous inviter. Vous êtes bien bon, seigneur. Ce sera pour ce soir. À quelle heure ? Quand vous voudrez. 6 heures alors. 6 heures, soit. Nous ferons cette petite fête dans le Buen Retiro du Fulminante. Il me permet des licences. C'est parfait. Je vous ferai goûter d'un certain vin. Vous êtes bien bon, capitaine. Est-ce que monsieur sera des nôtres ? « Pourquoi pas ?» dit Armand. Cascario était loin de lui déplaire. « Alors à ce soir, » dit le bandit, « comptez sur moi pour le menu. Nous nous en rapportons complètement à vous. » Et Monsieur le Noël abandonna sa pêche à Cascario. « Mon enfant, » dit celui-ci à la comtesse, « c'est une affaire faite. Le jeune homme est à vous. Ce soir, je vous laisserai seul avec lui dans le Buen Retiro du capitaine. Et son compagnon, il dormira après boire. Est-ce donc sa coutume ? Oh ! 4 grains d'opium le coucheront sur son fauteuil et je le ferai enlever. Quant au jeune homme, nous avons toujours de quoi le rendre amoureux. À ce soir. Et Cascario s'en alla donner ses ordres.